Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 11. De l'unité de Dieu. Idée de l'unité de la multiplicité. Dieu est un, souverainement un. 1. L'unité ajoute-t-elle quelque chose à l'être? On pourrait croire, au premier aperçu, que l'unité apporte à l'être quelque chose qui le restreint. On se tromperait. L'unité ne restreint pas l'être, elle en exclut seulement l'idée de toute division. Être ou être indivisé, c'est la même idée, l'être et l'unité sont deux choses identiques. En effet, si vous supposez qu'un être est parfaitement simple, il est indivisible sous tous les rapports et dans toute hypothèse. Si vous supposez qu'un être est composé, il n'existe que quand ses parties, unies ensemble, forment son être. Divisez-les, il n'existe plus. Par où l'on voit que l'être de tout consiste dans l'indivision, et que toute chose ne conserve son être qu'à la condition de conserver son unité. Par conséquent, l'unité n'a rien de réel en dehors de l'être, ainsi elle n'est pas une limite. Note. Nous ne parlons pas ici, on le comprend, de l'unité principe du nombre, celle-ci, nous en convenons, ajoute quelque chose qui est du genre de la quantité, puisque le nombre qui se compose d'unités est une quantité. Nous entendons l'unité qui correspond à l'être. Celle-là n'ajoute à l'être que la négation de toute division. Fin de la note. 2. L'unité est-elle opposée à la multiplicité? Unité, multiplicité, voilà deux choses opposées, car, en quoi consiste l'idée d'unité? Dans l'indivision. En quoi consiste celle de multiplicité? Dans la division. Donc nous avons raison d'affirmer que l'unité est opposée à la multiplicité, mais elle lui est opposée de deux manières. D'abord, le 1, qui est le principe du nombre, est opposé à la pluralité, que l'on appelle quantité, comme la mesure l'est à la chose mesurée. Ensuite, nous avons vu que le 1, dans un autre sens, est identique avec l'être. Comme donc l'indivi est opposé au divisé, l'unité est pareillement opposée à la multiplicité par privation, en tant qu'elle exclut la division. 3. Dieu est-il un? Sans recourir à la révélation, nous lisons, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu unique, Deutéronome 4, 4, on peut démontrer l'unité de Dieu par plusieurs preuves. Premièrement, par sa simplicité, les attributs qui font que Socrate est un homme sont communicables à plusieurs hommes sans doute. Mais ce par quoi Socrate et cet homme nommé Socrate n'appartient qu'à un seul être qui est Socrate. Admettez que Socrate est homme en vertu de ce qui fait qu'il est l'homme appelé Socrate, alors, de même qu'il ne peut pas y avoir plusieurs Socrates, il ne pourra non plus y avoir plusieurs hommes. Or, c'est précisément ce qui arrive par rapport à Dieu. Voir question 3, alinéa 3. Nous avons prouvé qu'il est lui-même sa nature. Que s'ensuit-il? Il s'ensuit que, par là même qu'il est Dieu, il est elle Dieu. Donc il est seul. Deuxièmement, par sa perfection infinie. Dieu a toute la perfection de l'être. Or, s'il y avait plusieurs dieux, il y aurait nécessairement entre eux quelques différences. L'un y aurait des propriétés que n'aurait pas l'autre. Dès lors il y en aurait un qui ne serait pas absolument parfait, savoir, celui qui souffrirait la privation. Il est donc impossible qu'il y en ait plusieurs. Note. S'il y avait plus d'un dieu, il y en aurait une infinité. S'il y en avait une infinité, il n'y en aurait point. Car, chaque dieu n'étant que ce qu'il est, il serait fini, et il n'y en aurait point un qui l'infini ne manquât, où il en faudrait entendre un qui contint l'infini, et qui dès lors serait seul. Bossuet, élévation à Dieu, première semaine, quatrième élévation. Fin de la note. Troisièmement, par l'unité qui règne dans l'univers. Qui ne sait que, dans la nature entière, les êtres sont subordonnés les uns aux autres, à coup sûr, des créatures si différentes qui ne seraient pas réglées par un ordonnateur unique ne formeraient pas un ensemble si bien lié, car l'unité produit de soi l'unité, tandis que la pluralité ne l'engendre que par accident, dans le cas, par exemple, où, la multitude se trouvant unanime, elle rentre sous l'unité elle-même. Aussi l'unité de l'ordre est-elle établie plus sûrement par un seul être que par plusieurs. La conséquence de ceci, c'est que le premier principe est un nez parfait, puisque, comme nous le voyons, il ramène tout à un seul et même ordre. Ce premier principe n'est autre que Dieu. 4. Dieu est-il souverainement, puisque le un est un être indivisé? Pour qu'une chose soit souverainement une, il suffit qu'elle soit souverainement être et souverainement indivisible. D'abord Dieu est souverainement être, il est l'être même subsistant, l'être sans limite, l'être infini. Ensuite il est souverainement indivisible, il n'est pas divisé en actes, et il n'est pas divisible en puissance, il est simple à tous égards. Donc il est souverainement un. Parmi les choses une, dit Saint Bernard, l'unité de la divine Trinité tient le premier rang. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.